Gustave Flaubert, George Sand. Correspondance. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Adaptation, Hélène Bleskin. Troisième épisode. L'année 1869. Cela fait déjà 4 ans qu'ils s'écrivent avec assiduité. Tandis que Sand travaille à son nouveau roman « Pierre qui roule », Flaubert met enfin un point final au grand roman politique qu'il aura mis 5 années à écrire. Croisset, 1er janvier, nuit de la Saint-Sylvestre, 1h. Pourquoi ne commencerai-je pas l'année 1869 en vous la souhaitant à vous et aux vôtres, bonne et heureuse, accompagnée de plusieurs autres? C'est rococo, mais ça me plaît. Maintenant, causons. Non, je ne me brûle pas le sang, car jamais je ne me suis mieux porté. Les gens qui ignorent ma biographie ont attribué cette apparence de santé à l'air de la campagne. Voilà ce que c'est que les idées reçues. Quant à ma rage de travail, je la comparerais à une dartre. Je me gratte en criant. C'est à la fois un plaisir et un supplice. Et je ne fais rien de ce que je veux, car on ne choisit pas ses sujets, ils s'imposent. Trouverai-je jamais le mien? Que la claustration où je me condamne soit un état de délice, non. Mais que faire? Se griser avec de l'encre vaut mieux que se griser avec de l'eau de vie. La muse, si revêche qu'elle soit, donne moins de chagrin que la femme. Je ne peux accorder l'une avec l'autre. Il faut opter. Mon choix est fait depuis longtemps. Je touche à la 50aine. Vivre me semble un métier pour lequel je ne suis pas fait. Et cependant, je suis resté à Paris 3 jours, que j'ai employé à chercher des renseignements pour mon bouquin. J'étais si exténué vendredi dernier que je me suis couché à 7h du soir. Telles sont mes folles orgies dans la capitale. J'ai trouvé les deux Goncourt dans l'admiration frénétique d'un ouvrage intitulé « Histoire de ma vie » par George Sand. Et le travail? Que faites-vous maintenant, cher maître? Viendrez-vous à Paris au printemps? Je vous embrasse. Nohant, 1er janvier 1869. Il est 1h du matin. Je viens d'embrasser mes enfants. Je suis lasse d'avoir passé la nuit dernière à faire le costume complet d'une poupée pour Aurore. Mais je ne peux pas aller pioncer sans t'embrasser aussi, mon grand ami et mon gros enfant chéri. Que 69 te soit léger, et vois la fin de ton roman, que tu te portes bien et sois toujours toi. Je ne vois rien de mieux, et je t'aime. Croisset, 14 janvier, jeudi soir. Je n'ai rien, mais rien du tout à vous dire. Si ce n'est que je m'ennuie de l'individu nommé George Sand et que je voudrais bien avoir de ses nouvelles. Savez-vous, cher maître, que c'est très gentil à nous deux de nous être écrits simultanément pendant la nuit de la Saint-Sylvestre? Je ne vois personne, je ne sais rien, je vis comme un ours empaillé. Je vous embrasse comme je vous aime, à deux bras et très fort. Nohant, 17 janvier. L'individu nommé George Sand se porte bien. Savoure le merveilleux hiver qui règne en Berry, cueille des fleurs, signale des anomalies botaniques intéressantes, coud des costumes de marionnettes, découpe des décors, lit de la musique, mais surtout passe des heures avec la petite Aurore qui est une fillette étonnante. Il n'y a pas d'être plus calme et plus heureux dans son intérieur que ce vieux troubadour retiré des affaires, qui chante de temps en temps sa petite romance à la lune. Ce pâle personnage a le grand plaisir de t'aimer de tout son cœur, de ne point passer de jour sans penser à l'autre vieux troubadour, confiné dans sa solitude en artiste engagé, enragé, dédaigneux de tous les plaisirs de ce monde. Nous sommes, je crois, les deux travailleurs les plus différents qui existent. Mais puisqu'on s'aime comme ça, tout va bien. On se complète en s'identifiant par moments à ce qui n'est pas soi. Je fais mon petit roman tous les ans, quand j'ai 1 heure ou 2 par jour pour m'y remettre. Il ne me déplaît pas d'être empêché d'y penser, ça le mûrit. J'ai toujours avant de m'endormir un petit quart d'heure agréable pour le continuer dans ma tête. Voilà. Bonsoir, mon troubadour. Je t'aime et je t'embrasse bien fort. Maurice aussi. Croisset, 2 février, mardi. Ma chère maître, vous voyez en votre vieux troubadour un homme éreinté. J'ai passé 8 jours à Paris à la recherche de renseignements à Saumon. Tout ce que j'ai encore à écrire m'épouvante. Voilà pourquoi je redoute tant les interruptions dans la pioche. Bref, j'en ai pour 4 ou 5 mois. Quel bon ouf je pousserai quand ce sera fini. J'ai vu Sainte-Beuve et la princesse Mathilde, et je connais à fond l'histoire de leur rupture qui me paraît irrévocable. Mon jugement là-dessus, si vous tenez à le savoir, est celui-ci. Le premier tort est à la princesse, qui a été violente. Mais le second, et le plus grave, est au père Beuve, qui ne s'est pas conduit en galant homme. Quand on a un ami qui vous a donné 30 000 livres de rente comme sénateur, on lui doit des égards. Il est loin d'être un sage, celui-là. Il n'est pas comme vous. Votre force me charme et me stupéfie. Je dis la force de toute la personne, pas celle du cerveau seulement. Cet été, j'irai vous voir à Nohant, je me le jure. Nohant, 11 février. Pendant que tu trottes pour ton roman, j'invente tout ce que je peux pour ne pas faire le mien. Tu vois que je n'ai pas la force que tu crois. Quant à notre ami, il est ingrat, tandis que notre amie est trop exigeante. Tu l'as dit, ils ont tort tous les deux. C'est l'engrenage social qui le veut, laissons-les se débrouiller. On ne nous y prendra pas, pas si bête. Mon Dieu, quel beau temps! En jouis-tu au moins de ta fenêtre? Je parie que le tulipier est en bouton. Ici, pêchers et abricotiers sont en fleurs. Nous avons fait notre carnaval de famille. Nous tous avons revêtu des déguisements. Nous avons joué des charades, soupé, folâtré jusqu'au jour. Tu vois que, relégués dans un désert, nous gardons pas mal de vitalité. Enfin, tu jures de venir cet été et nous y comptons absolument. J'irai plutôt te chercher par les cheveux. Je t'embrasse de toute ma force sur ce bon espoir. Nohant, 21 février. Je suis toute seule à Nohant, comme tu es tout seul à Croisset. Maurice et sa femme sont partis pour Milan pour voir Kalamata, le père de Lina, dangereusement malade. Cette brusque séparation a été triste. On m'a laissé les enfants que je quitte à peine et qui ne me laissent travailler que quand ils dorment. Mais je suis encore heureuse d'avoir ce soin sur les bras pour me consoler. Aurore, qui vit d'adoration sur les genoux de son père et de sa mère, n'a pas demandé une seule fois où ils étaient. C'est très mystérieux, les enfants. Ils pensent sans comprendre. Il ne faudrait à Aurore qu'une parole triste pour faire sortir son chagrin. Elle le porte sans savoir. Elle me regarde dans les yeux pour voir si je suis triste ou inquiète. Je ris, elle rit. Je crois qu'il faut tenir la sensibilité endormie le plus longtemps possible. Quel est ton avis à toi qui as élevé une nièce intelligente et charmante? Je voudrais qu'on ne montrât aux petits que le doux et le bon de la vie jusqu'au moment où la raison peut les aider à accepter ou à combattre le mauvais. Qu'est-ce que tu en dis? Je t'embrasse, ton vieux solitaire. Croisset, 23-24 février, nuit de mardi. Ce que j'en dis, cher maître, s'il faut exalter ou réprimer la sensibilité des enfants, il me semble qu'il ne faut avoir là-dessus aucun parti. C'est selon qu'ils inclinent vers le trop ou le trop peu. Rien n'aurait dû me durcir plus que d'avoir été élevé dans un hôpital et d'avoir joué tout enfant dans un amphithéâtre de dissection. Personne pourtant n'est plus apitoyable que moi sur les douleurs physiques. Il est vrai que je suis le fils d'un homme qui était extrêmement humain, sensible, dans la bonne acception du mot. Il n'en faisait pas moins bien ses opérations chirurgicales. Ne montrer aux petits que le doux et le bon de la vie, tel n'est pas mon avis, car il doit se produire dans leur cœur quelque chose d'affreux, un désenchantement infini. Et puis comment la raison pourrait-elle se former si elle ne s'applique pas à distinguer le bien du mal? La vie doit être une éducation incessante. Il faut tout apprendre depuis parler jusqu'à mourir. Vous me dites des choses bien vraies sur l'inscience des enfants. L'enfant et le barbare, le primitif, ne distinguent pas le réel du fantastique. Je me souviens très nettement qu'à 5 ou 6 ans, je voulais envoyer mon cœur à une petite fille dont j'étais amoureux. Je dis le cœur matériel. Je le voyais au milieu de la paille dans une bourriche d'huîtres. Mais personne n'a été si loin que vous dans ces analyses. Il y a, dans l'histoire de ma vie, des pages là-dessus qui sont d'une profondeur démesurée. Votre pauvre belle-fille doit être bien tourmentée. Je vous plains tous. Et je m'ennuie de vous comme une bête, ou plutôt comme un homme d'esprit. Ce bon Tourguenieff doit être à Paris à la fin de mars. Ce qui serait gentil, ce serait de dîner tous les trois ensemble. Adieu. Je vous bécote sur les deux joues, comme du bon pain, ainsi que Mademoiselle Aurore, avec toutes les tendresses du troubadour. Nohant, 12 mars. Le pauvre Kalamata est mort le 9. Mes enfants reviennent. Je n'ai de leurs nouvelles que par télégramme de Milan, ici en 1 heure et demie. Mais cela manque de détails et je me tourmente. Je t'embrasse tendrement. Croisset, 13 mars, samedi soir. Comme je plains votre pauvre belle-fille, Maurice et vous. La vue des petits-enfants au retour leur fera du bien. Ce sera comme un cadeau. On meurt effroyablement cet hiver. Rossini, Berryer, Lamartine, Mérimée. Je n'aurai que des banalités à vous dire, je m'arrête. Mais j'ai bien envie de vous embrasser, ma très chère maître. Paris, boulevard du Temple 42, mercredi 31 mars. Je m'ennuie et m'inquiète de vous. Dans quel état êtes-vous tous? J'ai dîné avant-hier et hier avec Tourguenieff. Cet homme-là a une telle puissance d'image, même dans la conversation, qu'il m'a montré George Sand accoudé sur un balcon dans le château de Madame Viardot à Rosé. Le soleil couchant frappait sur vos cheveux noirs. Je vous embrasse bien fort. Nohant, 2 avril. Cher ami de mon cœur, mes enfants me sont arrivés bien fatigués et nos charmantes fillettes consolent leur petite mère. S'il faisait moins mauvais temps, je me rendrais tout de suite à Paris. Combien de temps y restes-tu? Dis-moi vite. Je serais bien contente de renouer connaissance avec Tourguenieff, que j'ai un peu connu sans l'avoir lu et que j'ai lu depuis avec une admiration entière. Je veux que quand ton roman sera fini, tu l'amènes chez nous. Je travaille à mon roman de cabotin comme un forçat. Je tâche que ce soit amusant et explique l'art. Tu devrais bien me trouver un titre qui résumât cette idée, le roman comique moderne. Mes enfants t'envoient leur tendresse. Paris, 3 avril, samedi matin. Cher maître, je ne compte pas m'en aller de Paris avant le 10 ou le 12 juin, quand mon roman sera fini et recopié. Puisque votre roman roule sur les cabots, pourquoi ne pas l'appeler « Les gens de théâtre » À propos de titre, vous m'aviez promis de m'en trouver un pour mon roman à moi. Voici celui que j'ai adopté en désespoir de cause. « L'éducation sentimentale, histoire d'un jeune homme ». Je ne dis pas qu'il soit bon, mais jusqu'à présent c'est celui qui rend le mieux la pensée du livre. Cette difficulté à trouver un bon titre me fait croire que l'idée de l'œuvre, ou plutôt sa conception, n'est pas claire. J'ai bien envie de vous en lire la fin. Paris, lundi 26 avril. Je suis arrivé hier soir, je cours comme un rat, mais tous les jours on est sûr de me trouver chez Magny, et le premier jour où tu seras libre, viens dîner avec ton vieux troubadour qui t'aime. Paris, 4 mai, mardi 11h. Certainement, cher maître, c'est convenu. Lundi prochain, je vous attends pour dîner. Comme la vie est difficile à Paris. Paris, 4 mai, mardi soir. À lundi donc, entre 3 et 4, ramène ton galoubet pour me lire une partie avant dîner. Croisset, jeudi 24 juin. Eh bien, cher maître, comment cela va-t-il? L'estomac est-il remis? Avez-vous trouvé tous les vôtres en bon état? Moi, présentement, je suis perdu dans les pères de l'Église. Quant à mon roman, l'éducation sentimentale, je n'y pense plus. Dieu merci, il est recopié. D'autres mains y ont passé, donc la chose n'est plus mienne. Elle n'existe plus. Bonsoir. J'ai repris ma vieille toccade de Saint-Antoine. Ce milieu extravagant me plaît. Et je m'y plonge. Voilà, votre vieux, toujours indigné. Croisset, 20 juillet, mardi 5 heures. Je viens d'enterrer mon pauvre Bouillet. Et en rentrant à Croisset, je trouve vos portraits. Il me semble que vous me les envoyez pour me consoler. Merci, cher maître. Je vais me flanquer une bosse de désespoir. Puis je resserai d'aplomb. Je l'espère du moins, mais c'est dur. Un vieil ami de 37 ans qui s'en va. Et c'est moi qui ai conduit le deuil, détails grotesques et atroces. Je n'en puis plus et vous embrasse. Nohant, 6 août. Eh bien, cher bon ami, nous voici en août et tu as promis de venir. Mes enfants seront heureux de te gâter et de tâcher de te distraire. Nous t'aimons tous, et moi, passionnément, comme tu sais. Croisset, dimanche matin, 15 août. Cher bon maître adoré, je veux depuis plusieurs jours vous écrire une longue lettre où je vous aurais dit tout ce que j'ai ressenti depuis un mois, mais je n'ai pas assez de temps ni de repos d'esprit pour me recueillir suffisamment. Quant à Nohant, j'irai cet hiver, lorsque je serai débarrassé de mon roman. Ce qui me ferait du bien maintenant, ce serait de me jeter furieusement dans Saint-Antoine. Ne deviez-vous pas venir à Paris pour la petite fadette au mois de septembre? Toutes mes tendresses. Paris, 6 septembre, lundi soir. On m'a écrit hier d'arriver parce qu'on avait besoin de moi à l'Opéra Comique. Me voilà, Gay-Lussac. Quand nous verrons-nous? Dis, tous mes jours sont encore libres, je t'embrasse. Paris, 12 septembre, dimanche matin. Quelle bonne soirée que celle d'hier, n'est-ce pas? À bientôt, et mille tendresses de votre vieux troubadour. Paris, 14 octobre. Nous nous verrons samedi à l'enterrement du pauvre Sainte-Beuve. Comme la petite bande diminue, comme les rares naufragés du radeau de la Méduse disparaissent. Mille tendresses. Nohant, 15 novembre. Qu'est-ce que tu deviens, mon vieux troubadour chéri? Tu corriges tes épreuves comme un forçat jusqu'à la dernière minute? On annonce ton livre pour demain, depuis 2 jours. Je l'attends avec impatience, car tu ne vas pas m'oublier. On va te louer et t'abîmer. Tu t'y attends. Tu as trop de vraies supériorités pour n'avoir pas des envieux, et tu t'en bats l'œil, pas vrai? Et moi aussi, pour toi. Il y aura du pétard, certainement. Les bons progressistes, les vrais démocrates t'approuveront. Les idiots seront furieux et tu diras « Vogue la galère !» Nohant, mardi 30 novembre. Cher ami de mon cœur, nous sommes tous du même avis que c'est un beau livre, de la force des meilleurs de Balzac et plus réel, c'est-à-dire plus fidèle à la vérité d'un bout à l'autre. Il faut le grand art, la forme exquise et la sévérité de ton travail pour se passer des fleurs de la fantaisie. Tout cela est d'un maître et ta place est bien conquise pour toujours. Vis donc tranquille autant que possible pour durer longtemps et produire beaucoup. Tiens-moi au courant. Si on ne te rendait pas justice, je me fâcherais et je dirais ce que je pense. C'est mon droit. À toi, ton vieux troubadour. Paris, 3 décembre. Cher bon maître, votre vieux troubadour est fortement dénigré par les feuilles. Lisez le Constitutionnel et le Gaulois, c'est carré et net. On me traite de crétin et de canaille. J'ai eu aussi des éreintements dans le Figaro et dans Paris. Je m'en fiche profondément. Ce qui n'empêche pas que je suis étonné par tant de haine et de mauvaise foi. Comme j'ai envie de vous embrasser... Paris, 7 décembre, 4 rue Murillo, Parc Monceau, mardi, 4 heures. Cher maître, votre vieux est trépigné d'une façon inouïe. Personne, absolument personne ne prend ma défense. Donc, vous devinez le reste. Si vous voulez vous charger de ce rôle-là, vous m'obligerez. Voilà. Si ça vous embête, n'en faites rien. Pas de complaisance entre nous. Barbé de Révilly prétend que je salis le ruisseau en m'y lavant. Tout cela ne me démonte nullement, mais nom de Dieu, comme on est bête. Quand venez-vous à Paris? Je vous embrasse. Nohant, 9-10 décembre, jeudi, 2h du matin. Mon camarade, c'est fait. L'article partira demain. J'ai la fièvre et une espèce d'entorse depuis 2 jours. Mais il faut se hâter. Je t'embrasse. Paris, 10 décembre, vendredi, 10h du soir. Cher maître, bon comme du bon pain. La Liberté insérera votre article tout de suite. Je continue à être roulé dans la fange. Comment vous remercier? Quelle bonne femme vous faites et quel brave homme, sans compter le reste. Soignez l'entorse et la fièvre et donnez-moi des nouvelles de l'une et de l'autre. Nohant, 10-11 décembre, vendredi à samedi dans la nuit. Tu sembles étonné de la malveillance. Tu es trop naïf. Tu ne sais pas combien ton livre est original et ce qu'il doit froisser de personnalité par la force qu'il contient. J'ai essayé de faire comprendre aux simples comment ils doivent lire, car ce sont les simples qui font les succès. Les malins ne veulent pas du succès des autres. Je ne me suis pas occupé des méchants. Ce serait leur faire trop d'honneur. Nohant, 14 décembre. Je ne vois pas paraître mon article et il en paraît d'autres qui sont mauvais et injustes. Les ennemis sont toujours mieux servis que les amis. Ne t'embarrasse pas de tout cela et va devant toi. Viens faire le réveillon, il y a longtemps que tu promets. Je t'embrasse, ton vieux troubadour. Paris, 17 décembre, vendredi soir. Cher maître, j'espère que dans 8 jours, à cette heure-ci, j'arriverai chez vous. Votre article n'a pas encore paru dans La Liberté. La politique, je crois, est la seule cause de ce retard. Je vous assure qu'on en veut à la personne de votre vieux troubadour. Cela est manifeste dans les articles. Heureusement que je ne suis pas un homme sensible. Je reprends le bon Saint-Antoine. Tout cela ne me fait aucune peine, mais m'étonne grandement. Je vous embrasse, cher maître. À bientôt et tout à vous. Nohant, 17 décembre. Viens donc le 23 au soir, pour être reposé dans la nuit du 24 au 25. J'ajoute que je compte que tu apporteras quelques manuscrits. Saint-Antoine, ce qu'il y a de fait. J'espère bien que tu es en train de travailler. Les critiques sont un défi qui stimule. Nohant, 19 décembre, dimanche. Nos lettres se sont croisées. Il faut rester avec nous bien longtemps. C'est une maison bête, heureuse, et c'est le temps de la récréation après le travail. Te voir, cher ami bien-aimé, serait ma récompense. Ne me la refuse pas. Paris, 30 décembre, jeudi matin. J'ai fait un bon voyage, cher maître. Le pis a été le trajet du Jardin des Plantes à la rue de Clichy. Les rues de Paris étaient abominables et j'étais gelé dans mon fiacre. Pendant toute la route, je n'ai pensé qu'à Nohant. Je ne peux pas vous dire combien je suis attendri de votre réception. Quels braves et aimables gens vous faites tous. Maurice me semble l'homme le plus heureux. Et puis, je n'ai pu m'empêcher de l'envier. Voilà. Et puisque c'est le moment des souhaits de bonne année, je vous souhaite à tous la même continuation, car je ne vois pas ce qui vous manque. 1000 tendresses de votre vieux troubadour. C'était le 3e épisode de Gustave Flaubert, George Sand, Correspondance. En direct du studio 118 de la Maison de la Radio. Avec Olivier Clavry, Gustave Flaubert, Chantal Neuwirth, George Sand et la voix de Leslie Lipkins. Musique originale et piano, Quentin Sirjac. Adaptation, Hélène Bleskin. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Remerciements à Anne-Lise Signoret pour la documentation. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Laurence Courtois.